Cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Antahayna vi darsina al-akhir fi kitab tahfat al-ikhwan lil-allama al-shaykh Hamoud al-Twijiri rahmatullah alayhi min kalam Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-hajr. كلام نفيس مفيد كلام très très important في الهجر الشرعي. Avant de passer au fasl suivant, نقرأ بعض فتاوى أهل العلم المعاصرين sur هذه المسألة المهمة. C'est un sujet très très important, الهجر, كما تقدم من كلام شيخ الإسلام. فرevenir à أهل العلم et l'istifada min fahmihim, et profiter d'eux, leur compréhension, comment mettre en application هذا الهجر, c'est min أهم ما يكون في هذا الباب. لأن البعض ربما يقرؤون من شيخ أو من إمام, et dans l'application, c'est pas ce que le شيخ il a voulu dire. Il m'a de l'exagération, il m'a dû laisser aller. ومن هؤلاء الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فقد سئل عن الموقف ممن يفعل بعض الكبائر. الحقيقة هذه الفتاوى كونفاليير سفي العصاة الفساق ceux qui font des كبائر des grands péchés, et كذلك sur صاحب البدعة الذي لا يدعو إليها, celui qui fait des bid'a لكن il appelle pas à ses bid'a. Ça arrive, là, في بعض المساجد أو dans certaines familles, le père ou la mère ou le frère, ils font des bid'a. Ton comportement par rapport à eux, وهكذا أهل الكبائر, هذا يبوه, هذا يدن بالله يتعامل بالربا, l'usure, هذا يمن. Comment se comporter مع هؤلاء. أما, on répète, المبتدع الذي يدعو إلى بدعته, فأون دوا سكارتي دو هؤلاء. لماذا؟ لأن الفائدة العظيمة والمصلحة الشرعية في هذا الباب سي دو بريزيرفي تون كور. إيكارت دو. نو بوليميك با. لا قيل ولا قال. إي هنا أون في أن تنبيه مهم أن توس كون سيتي من الهجر سي فالابل كذلك بما يحصل في المواقع. مواقع التواصل كما ils appellent, c'est des مواقع de fitan en général. Il y a aucun tawassul, c'est que du char. Illa dans certains cas pour faire da'wa, pour profiter, wa illa va, la plupart c'est des fitan et du char. Al-hadr c'est applicable كذلك. لأن البعض ماذا يفعلون, peut-être qu'ils parlent pas à ce mubtadi', ils le fréquentent pas dans la vie de tous les jours. S'il le voit au masjid va, il lui fait le hadr bihaq, ça c'est tayyib. Ou dans la rue, et Ahl al-Sunna, la bud, an yatamayyazu. Et on a fait une kalima, wallahi alhamd, ensemble sur at-tamayyuz, le fait de ne pas se mélanger avec Ahl al-Bida' ou al-Ahzab al-Dhal. Fal-Ba'd, ils appliquent hada dans la vie de tous les jours, lakin, quand ils rentrent chez eux, ou avec leur téléphone, fa yukhalitouna Ahl al-Bida' wa al-Shur. الواجب c'est le hajr. لماذا؟ لأن ces messages et ces réseaux sociaux et le fait de leur parler قيل وقال, les questions, les réponses, نقاش, polémiques, ça c'est pas من الهجر et c'est pas من طريقة السلف. Alors que تقدم معنا كثيرا et سيأتي معنا بإذن الله عز وجل dans ce livre تحفة الإخوان de Cheikh Hamoud رحمة الله عليه, le dernier chapitre sur أهل البدع, le comportement qu'on doit avoir. فلهذا tu trouves les ils ont des questions. Ils envoient des messages. Fulan, il a dit, et il veut que tu répliques. Ya akhi, limada tu écoutes. On ne peut pas répliquer à Jami' Ahl al-Bida'. Tu n'auras jamais le temps. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo. Tous les jours, il y a un dars. Tous les jours, il y a un kalam. Si tu viens à suivre Ha'oula, tu ne pourras plus étudier, tu ne pourras plus propager l'ilm. Lakin, la question qui se pose, man qala lak de l'écouter. Al-Ba'd, ils écoutent et ils te rapportent tout ce qu'il a dit. Il a dit, il a dit, ثم il attend une réponse. Et si la réponse elle vient pas, ماذا تفعل? Et elle est où la voix des salaf? Il ne faut pas se mélanger à ah, ou là, il ne faut pas les écouter. فالإنسان يحذر. quand il clique ou quand il appuie et il écoute hakada n'importe qui, la yajouz hada. La yajouz. Comme mes ikhwa, ils ont des choubouhats à cause de hada. Moi, ils attendent des réponses. Au pardon, ils attendent même plus de réponses. Ils écoutent hakada. C'est de la curiosité. Al-hadr min al-fudul. C'est un très très mauvais comportement. Al-fudul, c'est la curiosité. Wa min husni islam al-mar. تركهما ما لا يعنيه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء et parmi l'iman ou l'islam الطيب du muslim c'est le fait qu'il délaisse les choses qu'il ne le regarde pas. فماذا ستستفيد d'écouter un ضايع un منحرف un جاهل que la curiosité عياذا بالله. Et on répète, celui qui est occupé par l'ilm, par l'amal, et Obama, il travaille, il fait des efforts dans son dîn et pour sa dunya, il n'a pas le temps d'écouter Ha'oula. Et Arab, on trouve du temps d'écouter Ahlul Ilm. Et Abdel Nas aussi, Bobi Marad, Annahoum, ils n'écoutent plus Ahlul Ilm. On vient à une époque, vous avez remarqué que les savants, c'est devenu des messages d'une ligne. Cheikh Ibn Uthaymeen parle une ligne. Ça dépasse une ligne, Abdel Nas, il ne lisent plus. C'est pour ça que tu es contraint de faire des doros courts, de faire des traductions courtes. Dès que tu commences à faire, on dit pas long, là, on dit, c'est même, ça reste court, fil haqiqa. Lakin, vu que, al-himam, habita, on vit une époque de dha'f, de faiblesse, hakada, l'waqi' la situation. Wa ala kulli hal, fala yajouz d'écouter ha'oula. Écoute ahlul ilm. Le temps que tu as pris à écouter cet égaré, écoute un dar, c'est truc, on n'est pas responsable de lui. La shakana, al-rad ala ahlul bid'a wa dalal, c'est muhim. Lakin, الرد على المشهورين منهم اولا ceux qui sont connus et ثانيا on peut pas répliquer à tout. À chaque fois qu'il sort une vidéo ou un audio, il faut répliquer là. On va citer sur des fondements et inshallah le rod ça va englober beaucoup d'égarements. Et alhamdoulillah on avance. Amma penser que khalas si on n'a pas répondu à les gens ils vont s'égarer, tout ça c'est biadillah. Fais des efforts fil ilm. Et bien, idnallahi azza wa jal, toi-même tu pourras répliquer, toi-même tu pourras montrer le haq. Pourquoi l'an ahlul bid'a wa dalal, khasatan sur les réseaux sociaux, khasatan les prêcheurs francophones ou autres. Et kadalik, le monde arabe, c'est la même chose. Limadha wa'adhum, beaucoup de gens les écoutent, liyanna fil haqiqa, il y a un da'f kadalik, de l'autre côté. Si tu prends le public francophone, il y a un da'f. Fi ad-da'wa ila Allah, un da'f kabir. C'est pour ça que Ha'oula, ils ont trouvé de la place et ils propagent leur shirk. Ama siana, je fais des efforts. Anta, tu fais des efforts. Wa la thali, tu fais des efforts. Ilm ou amal. Un an, deux ans, quatre ans, cinq ans. Wallahi, alhamdu. Ad-dunya tamtali bil khair wal ilm. Ama daiman, attendre les autres, écouter les égarés, thumma des messages. Ouais, Fulan, il a dit. Et après, il a dit. Mada hasal. C'est pas le premier égaré, c'est pas le dernier. Otlub l'ilm. Apprends l'ilm. فهذا سنتنبيه أن هجر أهل البدع كذلك أي quand c'est du face à face, c'est كذلك dans les réseaux sociaux, et même si c'est pas du face à face, on a donné des exemples avec les réseaux sociaux, il a akhiré. Donc هذا الكلام qu'on va lire, c'est pas sur أهل البدع الدعات qui appellent à leur بدع, là c'est, vous allez voir les questions, la plupart c'est sur أهل الكبائر, ceux qui font des grands péchés. أما ما يتعلق بأهل البدع, on a vu le tafsil avec شيخ الإسلام ولله الحمد. قال شيخ بن باز رحمة الله عليه. Donc lui pose la question, répète, عن الموقف ممن يفعل بعض الكبائر. La position à avoir avec ton frère المؤمن qui fait des grands péchés. قال من يهتم بهذه المعاصي تجب نصيحته وتحذيره منها ومن عواقبها السيئة. أولا النصيحة. On conseille. On montre. بالتي هي أحسن. On montre بعلم. قال وأنها من أسباب مرض القلوب وقسوتها وموتها. أما من أظهرها وجاهر بها فالواجب أن يقام عليه حدها وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور. نعم. Si c'est un pays musulman et les sentences elles sont appliquées, فالواجب c'est de le dénoncer au gouverneur, à l'État, aux autorités. ولا تجوز صحبتهم. فأمل هذا, c'est pas permis de les prendre comme ashab, et les fréquenter. ولا مجالستهم, les fréquenter. بل يجب هجرهم لعل الله يهديهم ويمن عليهم بالتوبة. Donc الواجب, c'est de les délaisser. Al-hajr lillah azza wa jal. Illa, sauf, an yakun al-hajr yazidouhum sharran. Ça, c'est un dhabit tayyib. Ça revient au kalam de Cheikh l'Islam. Sauf si al-shar, ça leur rajoute, ça leur fait plus de mal, et ils vont s'écarter du haq akthar. C'est pas ça le but de hadha al-hajr. قال فالواجب الإنكار عليهم دائما بالأسلوب الحسن والنصائح المستمرة حتى يهديهم الله. Donc الواجب في هذا الحال, si on a peur que si on les délaisse, ربما عيادا بالله, ils vont s'égarer encore plus. Et le fait qu'on leur fait pas le hajr, ça veut pas dire انتبهونا, ça veut pas dire ne pas leur faire le hajr, de les fréquenter, de sortir avec lui là. لكن si tu le vois, السلام عليكم, كيف حالك, une نصيحة, كلام طيب. Et là, tukthir alayh, quand tu vois que c'est trop lourd, fais là, tukthir. On ne dépasse pas les limites. Et bien, idnillahi azza wa jalla, Rabbama, un jour, il va te demander, il va te poser une question. Rabbama, un jour, il va vouloir un livre, il va vouloir une chose, et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvre les portes. Amma les délaissés. Thumma, il a une mauvaise image des frères et de la sunna. Et Rabbama, ahlul fisq ou al-dalal, bel ba'dul mubtaji'a, ils en profitent, via hadal bab, et ils leur disent, andurou. On dirait les salafiyoun, ahl sunna, ils sont durs, ils n'ont pas de comportement, ils n'ont pas de hikmah, ils ont rien. Ils suivent un groupe égaré, mais ils suivent des shayatins. Et iyadam billah, ils le poussent à faire encore plus de péchés. Donc la hikmah, c'est matloub. قال ولا يجوز اتخاذهم أصحابا. أتأمل هذا. Après avoir cité, il faut faire nasiha ila akhirah, mais on ne les prend pas comme amis. Une nasiha ala tariq, ça peut prendre une minute, deux minutes, cinq minutes. Dua pour lui et tu fais ce que tu as à faire. Sans lui faire le hajr dans ce cas-là. Et ici, ça pousse un mal plus grand. بل يجب أن يستمر في الإنكار عليهم وتحذيرهم من أعمالهم القبيحة. كذلك البيان. On lui fait pas le hajr, لكن on lui montre. Ya akhi, ce que tu fais là, yaliq. Tu te fais du mal à toi. Tu fais du mal aux autres. Et bien sûr, avec الدua. هذا الكلام من فتاوى الإسلامية. ثم قال une autre فتوى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فإن كان في الهجر مصلحة أو زوال مفسدة بحيث يكون رادعا لغير العاصي عن المعصية أو موجبا لإقلاع العاصي عن المعصية عن معصيته كان الهجر حينئذ جائز كما قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كما نتجه ensemble من كلام شيخ الإسلام التيمية سي الهجر ça va être une cause أنه va se remettre en question il va délaisser le péché comme le père qui fait le hajr à son fils, ou un ami, un frère qui fait le hajr à son frère, un ami, il le respecte jiddan, et s'il fait le hajr sur ce point, ça va le toucher, rubbama yarji'. Fi hadha al-hal, c'est mashrou'. Qala bal matlouban, talaban laziman, c'est une ibada fi hadha al-hal, c'est une adoration. Ou muraghaban fi hasab, ou hasb, idham al-ma'siyah allati hujra min ajliha. Amma al-yawm, thumma Cheikh ibn Uthaymeen, il fait une précision. هذا c'est مهم لأن tu peux lire من كلام أئمة السنة de la قوة في هذا الباب لماذا لأنهم vivaient à une époque il y avait de la قوة في العلم la science elle était propagée أهل السنة ils étaient كثير المعاصي c'était par rapport à notre époque c'était incomparable très très peu الناس كثير منهم ils étaient encore à الفطرة ils avaient de la pudeur حشمة et ils respectaient et كذلك وسائل الشر elles étaient qalil à leur époque. Et les moyens pour faire du mal, à l'époque, c'était qalil par rapport à notre époque. Maintenant, à l'époque, pour faire zina, c'était très compliqué par rapport à notre époque, ayyadam billah. Ou pour voir du fasad, pour voir du shor à leur époque, c'était très très compliqué. À notre époque, c'est très très simple. Un téléphone, un ordinateur, un écran, ayyadam billah, shor dunya, tu peux le trouver. Fallait hada qal shor al-azaymin. أما اليوم أي de nos jours فإن كثيرا من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة إلا مكابرة إلى آخر في معصيتهم ونفورا وتنفيرا صحيح أما de nos jours إن كثيرا من أهل المعاصي الهجر صلى الزلوان c'est pas le but. Parce qu'il est demandé. Ta'ammalou le kalam l'an, il est fi ahli al-ma'asi. Amma munharif, mubtadi', dhal, qui appelle Assa bid'a. Aslan, il n'est pas d'accord avec toi. Aslan, il ne veut pas ton bien. Il veut qu'une chose, c'est que tu le suives. Hada trukou lillah. Il s'égare encore plus. Tu tu n'es pas mas'oul. Amma ha'oula fil haqiqa, ils ne te font pas directement de mal à toi. Ça y est, l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymeen avec un homme qui fume. Fil haqiqa, anta, alhamdulillah, tu sais que le fumer c'est haram, tu n'aimes pas cette chose. C'est interdit, c'est un moyen pour gaspiller son argent, une mauvaise odeur. Fil hamdulillah, tu es à l'abri de hada, bi idhnillah azza wa jal. Donc, le fait de lui passer le salam ou lui parler, il n'y a pas de danger direct pour toi. Amma ahlul bid'a, il y a un énorme danger. Kadhalik, si c'est une ma'asiyah, cette ma'asiyah peut te faire du mal. Et c'est là-t-il le kalam. Lakin, le kalam, si ça ne te fait pas de mal directement, ben si, en lui faisant le hajr, ça n'arrange rien, ben c'est pas la solution. Hada kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala, nufuran wa tanfiran an ahli al-ilmi wal-iman, fala yakun fi hajrihim fa'ida lahum wala li ghayrihim. Sahih. Ben, il va dire, hada al-asi, il va informer les autres. Un tel frère, il prétend suivre la sunna, il prétend kada kada, et il passe même pas le salam, il a un mauvais comportement. Tout le monde, un autre, il dit, et plus personne t'écoute. C'est pas ça le but. Fi hada al-hal. La, khasatan dans les endroits où il y a du dhaf. Maintenant, fi ba'd al-amakin, khasatan fi bilad al-kufr, va un dhaf kabir. Robama, tu as quelques musulmans dans la ville. Et ces musulmans, ils sont fait hala au dhaif, que ce soit au niveau de la science, au niveau de l'application. Beaucoup de choses, ils ont des faiblesses. Et si on vient, nous, on leur rajoute à la hajr, l'imada, les anahum, ils ont des manquements, est-ce qu'on les a aidés? Abedin. Ou là, on leur montre un bon comportement, hatta on arrive à leur enseigner la chose la plus importante, at-tawhid. Vous vous rappelez de la parole d'Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, on avait lu ensemble. C'est pas mine al-hikmah de vouloir tout enlever aux gens au départ. Les mains d'Alianahum, ils n'ont pas la force. Al-Hikma, au départ, c'est de renforcer leur cœur, comme on a vu dans notre dars précédent. Ism al-Razzaq. Essayer de leur montrer هذا الرزق العظيم, رزق القلوب. Hatta, avec des durus, avec des nasa'i, s'ils aiment le ilm, comme toi, bi-idhnillah, tu as réussi à t'écarter de certains péchés, inshallah, ils y arriveront. هذا معنى كلام شيخ ابن عثيمين. قال والهجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء. Al-Hajr avec Ha'oula, c'est comme un remède, c'est comme un médicament. Et les médicaments, tu n'emploies pas quand tu veux, comme tu veux, la dose que tu veux. Là, il y a des moments, il y a des doses à respecter. فَهَكَدَ هَذَا الْهَجْرُ قَالَ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِفَاءُ كَانَ فِيهِ إِشْفَاءُ وَهُوَ الْهَلَاكُ فَلَا يُسْتَعْمَلُ. الْإِشْفَاء, c'est le halak. وَالشِفَاء, c'est la guérison. قَالَ فَأَحْوَالُ الْهَجْرِ ثَلَاثٌ. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a résumé, en al-hajr, il y a trois catégories. Imma, an tatarajjah, maslahatuhu, fayakun matlouban. Si al-hajr, il est bénéfique, profitable. On répète, nahnu, dans les deux cas, si c'est pour le mahjour, matalan, faire al-hajr à quelqu'un qui fume, et on sait qu'il va être touché par al-hajr, et rubbama, ça va le pousser à se remettre en question, et on espérera qu'il arrête, fafi al-hajr, c'est matloub. Et kadhalik, تترجح مصلحته في الهاجر. L'exemple avec Ahlul Bid'ah. Maintenant, si tu te mélanges ou tu ne lui fais pas l'hajr, il va te coller, il va te citer des choubah et ça va te faire du mal à ton cœur. Fa al-maslaha fi hadha al-hal, c'est l'hajr. ثم قال وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك. الهاجر, si la mafsada est muhaqqaqa. La même chose, que ce soit l'hajr ou l'mahjur. Maintenant, faire l'hajr à un asi, أنه parce qu'il fume et ربما un autre hajr il va l'éloigner du masjid. On قدر que c'est un musulman, il vient au masjid, il assiste aux durus, lakin il fume et il a des faiblesses et il reconnaît. كثير من المسلمين, ils fument et ils reconnaissent, ils ont des faiblesses, هؤلاء ils ont besoin d'aide. Fumer c'est une ma'asiya, lakin تعلمون c'est une drogue, c'est comme une drogue. Si on lui fait le hajr, il vient plus au masjid, il vient plus aux durus. Rubama ayyadan billah, il tombe dans des drogues dures, il fréquente des mauvaises personnes. Est-ce que hada c'est min al-hikmah? Alors que c'est notre frère, alhamdulillah, il fait du mal qu'à lui-même, et on essaye de l'attirer avec nous, fait durus, fait le masjid, et en nasa'ih ila akhirah, hatta bi'idnillahi azza wa jalla, il arrêtera. Quand il va voir le khair de ceux qui ne fument pas, ça va le motiver. Fahada, ida tatarajjah al-mafsada. Fi hada al-hal, pas de hajr. قال واما ان لا يترجع هذا ولا هذا. Dans certains cas c'est du 50-50, tu sais pas est-ce qu'il y a une maslaha ou mafsada. فقال شيخ ابن عثيمين في هذا الحال فالاقرب النهي عنه. في هذا الحال الاقرب c'est de ne pas faire le hajr. لماذا؟ لانه سا مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذه المسائل كما نبدي ندرس بيقين. يا با بلاص دود. يا با بلاص ما دي جو بونس لا. يا إن مصلحة الحمد لله. يا با مصلحة. On délaisse. On parle dans les deux cas. On répète الهاجر والمهجور. وشيخ الفوزان رحمة الله عليه إلى كلام قريب من هذا. قال كما في المنتقى أي سيدي فتاوى الشيخ الفوزان فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكبر. لا même chose. Si ça emmène un mal plus grand, فالهجر c'est pas la solution. ثم on peut lire une dernière فتوى من لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الهجر إذا كان فيه مصلحة بالنسبة للفاسق فهجره وإلا فلا تهجره. Toujours fil fasir, celui qui fait des péchés, min al-mu'mini. S'il y a un profit de faire le hajj, enfin on lui fait le hajj, si ça n'emmène rien, il n'y a aucune faïda, enfin on ne lui fait pas. قال لو مررت بشخص مثلا. هذا l'exemple qu'on vous a dit. Tu passes devant un muslim, لو مررت بشخص يشرب الدخان والدخان معصية وحرام والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة إلى مرتبة الفساق. Passe devant un musulman et il fume. Et là, chaque fumé, c'est interdit. Et comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, s'il ne s'arrête pas et il fume tout le temps, ça le fait descendre et la martabat il fussaq, ayyadam billah. Et les musulmans qui font des péchés, c'est timarar. Qala, sallim alayhi. Passe-lui le salam. Idha ra'ayta anna hajrahu la yufid. Si tu sens que le hajr, ça va rien apporter. Ouais, il connaît rien, il ne sait même pas pourquoi tu lui fais le hajr. Et Robbama, la fierté, elle rentre, Shaitan, il rentre, il s'écarte. Et il ne t'écoute plus. Et Robbama, même si tu veux revenir, c'est lui qui te fera le hajj. Ayad al-Hal, ce n'est pas la solution. Qala, sallim alay, passe-lui le salam. Idha ra'ayta anna hajrahu la yufid, sallim alay. Wa Robbama, idha sallamta alay, wa waqafta ma'ahu wa haddathahu bi anna hadha haram wa annahu la yaliqu bik, Robbama, yamtathil wa yatfi as-sijara. Yatfi as-sijara, na'am. S'il voit que tu lui donnes un peu de temps, et hikma irif, tu es souriant, assalamu alaikum, et yawmin al-ayyam, un jour tu décides de lui parler, ya akhi al-kirim, tu es mon frère fillah, tu as un haq, et al-mu'min doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, et tu lui montres, anna rubama, il sait mieux que toi les méfaits des cigarettes, et là chacun va être d'accord avec toi, tout le monde, min al-uqala, sait que la cigarette c'est mauvais pour la santé. Thomas, tu lui montres qu'elle a gaspillé son argent, c'est pas utile. Ben, il aura des comptes à rendre yawm al-qiyam. Et Obama, avec cet argent, il aurait pu rendre heureux ses enfants, ou un autre mu'min, ou lui-même. Mais, bihad al-tariq. Thomas, tu lui montres qu'elle c'est haram. Al-ulama, al-muhaqqiqoun, ils ont démontré que c'est haram. L'imal, al-yana, ça fait du mal à la santé, c'est un gaspillage d'argent. Il a, peut-être qu'il va éteindre cette cigarette devant toi. Il va te dire, j'arrête. Peut-être qu'il va refumer et il va, tu l'aides, hakada, hatta, il arrête. Et tu seras une cause de bien. Vous avez vu la différence, ce cas? Avec un cas, tu parles maintenant avec un ikhwani. Avec un takfir, ikhabith. Polémique, il a akhri, pas d'hajr, thumma, tu as des choubahs. Fiyad al-hal, fil hajr, akhil karib. Amma haoul al-masakin, muslimoun, ils sont fidhaf. On essaye de les aider tant que ça ne nous fait pas du mal. Amma wahed mazalan yifum. Thomas, tu passes, il se moque. Thomas, si tu essaies de lui parler, varubama, iyadun billah, ça peut aller jusqu'à il veut frapper l'akhri, hada trukhu. Si c'est un shirir, ba'dahum, ils ont du shir. Beaucoup. Hada trukhu. Amma wahed, wallahi alhamd, il écoute, et il n'y a aucun mal de sa part sur toi directement, falhamdulillah. On finit son kalam, lil fa'ida, qal, lakin law annaka lam tusallim alayh. كبر ذلك في نفسه وكره ما تأتي به من نصيحة صحيح. Tu lui passes pas le salam et hajr. Probablement un jour tu vas vouloir le conseiller sur quelque chose de azim. Par exemple la salat, il va même pas t'écouter. Il va te dire toi tu parles même pas, tu ne passes même pas le salam, tu as un mauvais comportement et il va pas t'écouter. C'est pas ça da'wat al-rusul wal-anbiya. Da'wat al-rusul wal-anbiya c'est fondé sur l'ilm wal-hikma. Qala وكره ما تأتي به من نصيحة حتى لو أصر على المعصية سلم عليه وانصحه. Même s'il continue, jour après jour, continue d'avoir un bon comportement, passe le salam et de temps en temps conseille-le. Tout ça, anta lillah, azza wa jal. Bien sûr, avec les conditions et les dawabit qu'on a citées auparavant. Fahala kalam ba'du ahlil ilm. Et كذلك, on n'oublie pas, قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه الآية كما قال أمبليغ كلام ابن القيم رحمه الله هذه الآية elle renferme tous les bons comportements c'est un أصل عظيم dans le bon comportement في الرسالة التابوكية de الإمام ابن القيم رحمة الله عليه il a cité ce verset Et قبل ذلك قال on peut lire une partie يقيم لهم المعاذير ما استطاع c'est une risale نافعه et inshallah on va bientôt la lire ensemble باذن الله عز وجل et هذه الرساله à la fin il montre le comportement que طالب العلم الداعي الى الله doit avoir avec ses frères mu'min qui ont des faiblesses qui font des péchés قال يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين avec ses deux yeux et il doit patienter il doit avoir de la sagesse et il doit regarder avec ses deux yeux ça veut dire quoi هذا قال عين ناظرة الى الامر والنهي بها يأمرهم وينهاهم avec un œil Tu regardes les péchés. Ça veut dire que tu ne fermes pas les yeux. Il fait un péché, il a fait un péché. Haram, c'est haram. Et on lui dit, telle chose, c'est haram. Ou il a délaissé une obligation, on lui dit, Fulan, as-salat, as-zaka, al-hajj, il a akhri. Qala, wa yuwalihim, wa yu'adihim, wa yu'addi ilayhim al-hukuk, wa yastawfiyaha alayhim. Donc ça, c'est le premier œil, le premier regard. Al-nasiha, wa al-bayan. On leur montre. Qala, wa aynun, le deuxième œil, ناظرة إلى القضاء والقدر. Le deuxième œil, il va regarder le destin. Ça veut dire quoi, هذا? قال رحمه الله بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم. أن هذا c'est بقدر الله. Et lui, il a été préservé بإذن الله عز وجل. Enfin, il va avoir de la rahma pour ce mu'min. Même s'il fait des fautes, même s'il fait des péchés. Rahma wa shafaqa, de la pitié. Et ça va le pousser à vouloir son bien. قال ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقص شر. كذلك on leur trouve des excuses. لكن bien sûr s'il y a de la place pour cette excuse. أما si c'est واضح, c'est clair et ce mu'min il n'est pas excusé, enfin il n'est pas excusé. لكن مع هذا on essaye de l'aider. ثم قال قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته وسعتهم ça va leur profiter sa rahma lin c'est la douceur معذرته et leur trouve des excuses قال وقافا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين toujours tu te rappelles ce verset et الدعوة قال متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلام من شرهم Les deux خذ العفو Tu as de la rahma العفو c'est le pardon خاصة quand ils font une chose qui te touche أنت Une mauvaise parole, un mauvais comportement لا يجوز C'est une ma'asiyah Tu n'as pas droit de, Ils n'ont pas le droit de faire de mal à leur frère mu'min Lakin vu que ça te vise toi خذ العفو Tu lui pardonnes Et le fait que tu lui pardonnes, c'est min anfa' ad-da'wa. C'est un rappel. Rubbama, c'est plus que des dizaines de durus. Il va dire, hada, il a un cœur. Et il va dire, hada, son ilm, il le profite. Et il va dire, hada, si c'est sa sunna. Enfin, la chèque, il va aimer. Limada, li'anna, il va sentir l'afou. Wa'mur bil'urf. An-nasiha wa al-bayan. Khudi l'afou, tu pardonnes. Wa'mur bil'urf. Al-ilm. Tu lui montres. Ama, comme ils font le ba'd, ils se mélangent à des foussaqs et ils disent rien. Ils prennent que le début de l'aïa, khodi l'afwa. Faut pardonner. Aïna, qawl Allah Azza wa Jal, wa mur bil urf. On montre. Al-urf, c'est jami' al-ma'ruf. Al-tawhid est tout ce qui suit. Wa a'rid anil jahilin. Et si, ha'oula, ils font du mal. Al-jahil, huna, c'est pas lui ala al-jahil, celui qui n'a pas d'ilm. Là. Comme a bayin ibn al-qayyim, rahimahullah, dans d'autres livres. Al-jahilin, huna, c'est ceux qui font du mal bisabab jahlihim. Fa ha'oula, a'rid anhum. Écarte-toi. Il fait du mal, il ne veut pas écouter. Et Rubbama yu'dhik. Écarte-toi. Personne ne t'ordonne de fréquenter Haoula ou de t'asseoir avec Haoula. قال والسلام من شرهم فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. Si les gens, ils auraient compris ce verset, ils l'auraient mis en application, ça nous aurait suffi à toute la Ummah. هذه الآية qui est très très courte, ففيها خير عظيم. Ibn Qayyim rahmatullah alayh, il a démontré que c'était la base du bon comportement. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Et Inch'Allah, on essaiera de lire cette Risala prochainement. Hada, c'est pour conclure hadihi al-mas'ala al-muhimma. On essaiera de mettre ou de regrouper toutes ces paroles ensemble dans un dars sur le Hajr pour faire profiter nos frères, Inch'Allah ta'ala. Là, s'il reste un peu de temps, on aura le début du fasl. قال رحمة الله عليه فصل وقد جاء في هجر أهل المعاصي حديث وآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة العلم والهدى من بعدهم وأنا أذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى وبه الثقة. هنا dans هذا الفصل il va citer des أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم sur هجر أهل المعاصي. Vous vous rappelez page Anna dans ma nuscha page 222, il avait fait une ishara ila hada. Au début, il avait dit waqad ja'at sunna bi hajri ahli al-ma'asi hatta yatubu kama hajara an-nabi sallallahu alayhi wasallam Ka'b ibn Malik. هنا il a cité le hadith. ثم قال ولم يكلمهم حتى تاب عليهم وهجر زينب بن جحش. هذا الحديث on avait vu il est ضعيف. ثم il a cité هكذا une ishara sans citer les hadith. Dans ce fasl il cite les hadith. ففي الحقيقة هذا الكلام تقدم. On n'expliquera pas tout. L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi, dans quel moment dans ce hadith, il y a le hajr. Le hajr ahli al-ma'asi. قال في الأول منها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. قال أي كعب بن مالك رضي الله عنه. Il a raconté son histoire et le hadith il est fi sahihain. Qala ay Ka'b radiyallahu an wa naha Rasulullah wa naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muslimin an kalamina ayyuha al-thalatha min bayni man takhallafa an fashtanabana an-nas. Al-ijtinab, c'est le fait de délaisser. Ay les gens ils les ont délaissés. Hajaruhum wa taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard. Naam, hajar c'est très très dur. C'est très profitable. Comme pour Ka'b, radiyallahu anhu, ça a été trop, très profitable. Kadhalik, le père, s'il fait le hajra à son enfant, c'est très profitable. Kadhalik, le mari, s'il fait le hajra à sa femme, bihaq wa bi'adl, sans être injuste, c'est très, très profitable. Limada, il y en a quand wahed, il te fait le hajra, il te boycotte et tu l'aimes, ça te touche. C'est pour ça que si il n'y a aucune faïda, comme taqaddam ma'ana, c'est pas légiféré. Le but c'est hada, imma de te préserver ant, imma un profit pour l'autre. S'il n'y a aucun des deux, ce n'est pas mashrou'. Qala fama hiya bil ard allati kuntu a'rif. Ay qala, c'est plus la terre que je connaissais. Ay il se sentait gharib. C'était fil Madina hada. Et taghayyarat alayhi al ard radiyallahu anhu. فلبثنا على ذلك 50 ليله 50 jours, plus d'un mois, un mois et demi ou اكثر. فاما صاحبي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان رضي الله عنهما. اما ces deux compagnons à Ka'b, les deux hommes qui étaient restés avec lui, qui ne sont pas partis à Ghazwat Tabuk, ils sortaient plus de chez eux et ils pleuraient. C'était difficile. فتامل انت الان si dans une ville tout le monde te fait l'âge, c'est très très dur. Si c'est Ahlul Salah, des gens pieux, c'est encore plus dur. Fata'ammal al-an, ceux qui l'auront fait le hadr, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Sahaba, khayrun nas. Falihada, ils n'arrivaient plus à sortir. Qal wa amma ana fa kuntu ashadd al-qawm. C'était le plus fort d'entre eux, Ka'b. Wa ajladahum fa kuntu ashadd al-salat ma'al muslimin. Ma huwa, il avait la force d'assister à la salat avec les muslimin, fi jama'a, avec An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Lakin, personne ne lui parlait al-hadr. قال وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد. Il se promenait dans l'aswaq, dans les marchés, personne ne lui parlait. هنا هي الفائدة. أما أنت في الهجر tout seul, personne ne suit. ربما les autres aussi vont te critiquer et ça devient toi المهجور. فالإنسان ينتبه ينتبه regarde العواقب عواقب الأمور أي regarde loin. أما في هذا الحال c'est très très bénéfique, personne ne lui parle. قال فلا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا. Il venait passer le salam au prophète عليه الصلاة والسلام et il se demandait est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a répondu أم لا. قال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il faisait salat proche du prophète عليه الصلاة والسلام et il regardait est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il va le regarder أم لا. قال فإذا أقبلت على الصلاة نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين. أي كنت Ka'b radiyallahu anhu il ne regardait pas le Nabi صلى الله عليه وسلم, le Nabi صلى الله عليه وسلم il le regardait. Quand Ka'b il tournait le regard pour voir le Nabi صلى الله عليه وسلم, le Nabi صلى الله عليه وسلم il tournait le regard. قال فلما أو حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة c'était des amis هو أبو قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي بل c'était son cousin وأحب الناس إلي نعم c'était son cousin ils étaient très très proches فإلى parti près de sa maison فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام هكذا الدين انظر c'est son cousin. C'est des amis très très proches. Lakin, vu ce qui s'est passé, il lui a pas répondu. Hakada l'insan. Amma, je fais le hajra wahed parce que je l'aime pas. Et wahed, il est proche, c'est mon ami, il fait des masaïb, je lui fais pas le hajra. Hada, c'est le hawa. Ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est des modèles. Andurou, il lui a fait le hajra alors qu'il lui a rien fait personnellement. Nous, on vient à une époque, l'an, le hajra, c'est beaucoup sur du personnel. حتى بعض الناس يديز من موائي ما غيان في ربما سامون حريف انضال يحارب السنة يفجو مع الوفقاغ إلى آخره من موائي ما غيان في هم يكون سبا هذا هم يكون سبا الهجر هنا إلى المشروع اليوم توصفه حتى أبو قتادة رضي الله عنه قال فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله قال فسكت. Ka'b il a demandé à Abu Qatada, est-ce que pour toi j'aime Allah et son prophète alayhi salatu salam? Abu Qatada il s'est tué, il lui a pas répondu. Fa'udtu lahu fanashadtuhu fasakata fa'udtu lahu fanashadtuhu faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Et Abu Qatada il répondait pas. Ka'b radiyallahu anhu il répétait, est-ce que pour toi j'aime Allah et son messager alayhi salatu salam? Thumma tellement qu'il a répété, Abu Qatada il a dit Allah wa rasuluhu a'lam. لماذا لأن le verset n'était pas encore descendu et ça nous montre c'est un dalil azim. Maintenant on prend à la dahir ce qu'il y a dans le cœur, Allahu a'lam. Et vu que Ka'b radiyallahu anhu il n'a pas participé à la ghazwa et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hajr et tous les compagnons ont suivi, le cœur on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et nous vu que la révélation, il n'y a plus de révélation à notre époque. Fa kama qala Umar radiyallahu anhu, on prend les gens à la dahir. Qala fafadat aynay. فَفَاضَتْ عَيْنَيْ أي كعب il a pleuré رضي الله عنه. لماذا لأن il aimait beaucoup son cousin Abu Qatada et quand il lui a dit الله ورسوله أعلم par rapport est-ce qu'il aime Allah et son messager, ça l'a touché. قال وذكر تمام الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مطولا ومختصرا. نعم الحديث إليه في صحيح البخاري صحيح مسلم. الحديث الثاني donc وجه الدلالة لواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ils ont fait الهجرة كعب et à ses deux compagnons رضي الله عنهم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير للصفية بنت حيي رضي الله عنها وعند زينب فضل الظهر. donc عائشة الغابورت رضي الله عنها أن صفية elle avait un بعير un chameau et ce chameau il a eu un problème tombé malade ou il s'est blessé. Et Zaynab bin Jahsh radiyallahu anha قال وعند زينب فضل الظهر. الظهر هنا c'est une monture, le dos. On a, il disait le dos pour dire la monture, un chameau. Et elle avait un chameau en plus, une monture en plus. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا. C'était toutes des femmes du prophète عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Zainab, passe un ba'ir, une monture à sa fille. فقالت أنا أعطي تلك اليهودية. Est-ce que moi je vais donner une monture à cette juive? Sa fille, c'était une juive à l'époque. ثم quand النبي صلى الله عليه وسلم ils ont récupéré Khaybar fil Medina, et parmi les captives, les esclaves, il y avait Safiya. Summa Nabi sallallahu alayhi wa sallam tazawwajaha. C'est devenu la femme du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, une mu'mina saliha min ummahat al-mu'minin. Faghadiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fahajaraha dhal hijja wal muharram wa ba'd safar rawaha Abu Dawud. Hada taqaddam ma'ana anasa hadith dha'if. Dha'afahu wa ba'd ahli al-ilm minhum al-Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذا فقال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أستم صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج فرأى قبتك قال أي il avait construit une chose فرجع الرجل إلى قبته فهدمها ثم quand vu que ça n'a pas plu à النبي صلى الله عليه وسلم il a détruit حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها قال ما فعلت القبة قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلى ما لا يعني ما لابد منه رواه أبو داود هنا قال نعم إسناده جيد فشيخ الألباني قال أن الحديث لثابت نعم ففيه أن construire بلا فائدة سي مذموم فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر حتى إلى دليس هذا الحديث الرابع عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يدي فخلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي فقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل أثر هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب رواه أبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وهذا لفظه نعم قال حسنه الشيخ الألباني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر حتى ترك هذا هذا ليس هجر كلي لماذا لأنه لو أبغلي كما تقدم لو أديد نتواتوا إلى آخره لكن ما رد عليه السلام et le prochain درس on continuera ensemble la lecture de ces hadith إن شاء الله نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك